lève un matin, on se sent plus léger. Si l'on se sent bien, on se met à chanter, sans savoir, sans chercher où est passée cette tête. On croyait qu'on aimait à en perdre la tête. On se regarde heureux, on se voit dans la glace, avec au fond des yeux l'envie de faire surface, de renaître à nouveau, de dévorer la vie. Ce matin tout est beau, pourtant tu es parti. Tu es bien loin de moi, tu ne me manques plus. Non, je ne triche pas, non, je ne t'aime plus. Il est parti l'amour, envolé la tendresse. L'amitié l'a suivi sans demander son reste. Que c'est bon de revivre. Hier encore c'est vrai, je te regardais vivre. Partout où tu allais, moi je voulais te suivre. Je t'aimais, j'avais besoin de ta présence. Et tout me rendait fou, tout même tes silences. Aujourd'hui c'est bizarre, difficile à comprendre. J'ai perdu la mémoire et l'envie de t'attendre. Je pensais qu'entre nous resterait l'amitié, mais c'est l'indifférence qui vient de s'installer. Si tu entends un jour, qui sait cette chanson, sans vouloir pavoiser, sans te faire la leçon. J'aimerais simplement que tu pleures d'amour, que tu sois malheureuse plus souvent qu'à ton tour. Qu'on te fasse souffrir pour que tu vois vraiment qu'on ne doit pas mentir avec les sentiments. Alors tu comprendras, mais je veux de tout cœur qu'un matin comme moi tu trouves le bonheur. Tu es bien loin de moi, tu ne me manques plus. Non, je ne triche pas, non, je ne t'aime plus. Il est parti l'amour, envolé la tendresse. L'amitié l'a suivi sans demander son reste. Tu es bien loin de moi, tu ne me manques plus. Non, je ne triche pas, non, je ne t'aime plus. Il est parti l'amour, envolé la tendresse. L'amitié l'a suivi sans demander son reste. Tout que c'est bon de revivre. Tout que c'est bon de revivre. Que c'est bon de revivre. Que c'est bon de revivre. Que c'est bon de revivre. Que c'est bon de revivre.